Allô Chantal? Oui. Ça va? Tu as une drôle de voix. J'ai eu une journée horrible. Mon réveil n'a pas sonné. Je me suis réveillée en retard. Je me suis habillée à toute vitesse. Je ne me suis même pas douchée. Arrivée enfin au bureau, je me suis mise à pleurer et à trembler. Mes collègues se sont inquiétés. Je n'ai pas pu travailler. J'ai dû rentrer chez moi. Je me suis couchée. Maintenant que je me suis un peu reposée, ça va mieux. C'est le stress, tu as besoin de vacances. Oui, je crois.